Voilà, eh bien nous revoilà avec Ana Alvarez Bessos. Est-ce que ma prononciation est bonne? Elle est parfaite, Elle est parfaite, ben parfaite. c'est bien. Et nous Elle est sommes parfaite. en direct d'Espagne, d'un petit village qui s'appelle Simancas, à 13 km C'est ça. de Valladolid. Exactement. C'est ça? Ah bah ben dis donc, j'ai réussi à dire ça avec un accent à peu près correct, alors c'est bien. Mais c'est parfait, c'est parfait. Bientôt tu auras ton diplôme. Oui, certainement, oui. Certainement. Alors Anna, Oui. et tu sais Oui. que c'est la radio des bons cons, donc les bons cons, c'est des jeunes potes entre eux et qui s'aiment beaucoup, en Des fait. jeunes. Des Des jeunes. jeunes qui ont des initiatives très, très sympathiques. Voilà. Et on Voilà. a intégré les bons vieux cons qui sont en général les parents, et puis des amis des parents. Donc voilà. Et les amis des parents qui sont Voilà. des gens, des cons, vieux, de tout Voilà. ce Et donc, eh ben, veux. est-ce que Ouais. tu peux te présenter un petit peu? Parce que tu connais pas, à part nous, à part les Soulards, tu connais pas grand monde. Est-ce que tu peux te présenter? Bon, je sais pas vers qui je dois me présenter, mais voilà, je m'appelle Anna, je connais la famille Soulard depuis, je sais pas, je dirais 35 ans, À depuis peu près, oui. 1986. Et donc, du coup, avec toute la famille Soulard, Tarot, Cotinot, tous les gens de la Ruxière, de Voilà. Saint-Herblon, de Nantes, etc., etc. Donc, Donc voilà, ce sont des eux amitiés qui les qui durent. premiers ont, ce sont eux qui les premiers ont fait des fêtes dans la grange. C'est possible, c'est Bah possible. À l'époque, on oui. faisait des. À l'époque, on faisait des fêtes à la Ruxière, à l'endroit qui s'appelait La comment déjà? Verdière. La La Verdière, Verdière. merci. Voilà. Merci. Merci Mais Alain. À la les bons cons sont Verdière. des sacrés fêtards, mais ils savent pas que les bons vieux cons étaient aussi des sacrés fêtards. Toujours Eh oui. d'ailleurs, hein. Ils ont de qui tenir. Oui, Ils ont de je qui. crois qu'ils ont de qui tenir. Les chiens ne font pas des Voilà. chats, comme on dit, n'est-ce pas? Donc toi, tu es arrivé en Oui. France en 1986, Eh oui. après Eh avoir oui. rencontré Claudio en Espagne et l'avoir épousé très rapidement. Exactement. Voilà, et t'es venu. Voilà. Et je suis venue et je suis restée. Et voilà. Et maintenant, je suis de retour en Espagne, mais c'est juste parce que j'étais venue passer quelques jours voir mes parents qui sont malades, hein, parce qu'ils sont un peu âgés. Voilà, j'avais envie de les voir et je me suis retrouvée confinée ici. Puisque l'Espagne a été confinée bien avant la France, si je crois Alors, un petit peu les chiffres. visible, je crois que c'est 2 jours avant la France. 2 jours avant la France, sauf que, étant donné que mes parents n'étaient pas en très grande forme, eh ben, nous, on a été confinés avant. Parce que je n'ai pas senti le truc. Il y a eu un petit truc qui m'a dit qu'il fallait qu'on reste à la maison. Parce Oui. que. On a été fragile et que si on pouvait éviter ça, ça serait un bon moyen de rester confiné. Et ben, je m'étais pas trompée. Donc, t'es Donc parti pour quand en Espagne? l'instant, je suis partie le 5. Le Le 5 5 mars. mars, oui. D'accord. Oui. Et voilà, je suis passée donc par l'aéroport de Madrid. Donc j'ai eu très peur d'être contaminée là-bas. Pour la petite anecdote, j'avais très envie de faire pipi et je me suis même pas arrêtée à l'aéroport parce que je ne voulais toucher à rien, toucher à personne. Bon, j'avais un peu peur et puis visiblement, j'ai pas été contaminée là-bas non plus parce que je suis toujours là et puis j'ai Oui. aucun symptôme. Donc voilà, c'est pour le moment tout va bien chez nous, tout va bien. Alors comment ça se passe le confinement là en Espagne? Eh bien, chez nous, c'est un peu particulier, puisque j'ai ma maman qui a la maladie d'Alzheimer, qui est dépendante, complètement dépendante. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Je fais le travail de l'aide-soignante, de l'infirmière, de la cuisinière, de la lavandière. Et puis, je fais un peu le clown pour mon père, qui est très âgé aussi. Lui, il a la maladie de Parkinson. Et qui aurait besoin de faire de l'exercice pour ne pas rester ankylosé et qu'on ne peut pas trop faire. Donc, on monte et on descend les escaliers. Je danse avec lui. Voilà, j'anime un petit peu la maison comme je peux. Et voilà. Il y a, au niveau du confinement, au niveau de l'organisation, ici, on peut sortir et acheter de l'alimentaire et la pharmacie, exclusivement. Il n'y a pas de promenade. Parce qu'il me semble qu'en France, avec un papier, vous pouvez partir vous promener pendant 1 kilomètre. 1 kilomètre, 1 heure. 1 heure, non. Ici, tout ça, c'est interdit. D'ailleurs, aujourd'hui, Simancas est un petit village et on avait l'armée dans la rue. L'armée Oui. Il y avait des militaires dans la rue qui s'assurent que les gens ne se promènent pas, que les gens respectent bien les consignes. Et moi, ça ne me fait pas trop plaisir parce que qui vit l'Espagne avec l'armée dans la rue, ça fait un peu peur et j'aime pas trop ça. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça rappelle des mauvais souvenirs. J'aimerais mieux que les gens soient responsables et qu'ils ne se fassent pas les malins en disant « Ah, ben moi, quand l'autre il passe, je peux passer à telle heure ou à telle heure et je vais sortir, etc. » Parce que c'est très sérieux. Ici, il y a énormément de gens qui décèdent. Il y a beaucoup de gens contaminés. Et j'aime pas... Je suis quelqu'un de assez optimiste, je pense, mais là, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire la triche dans les sorties. Je vois ce que ça amène et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir partir les gens seuls, puisqu'on peut pas les laisser accompagner dans les hôpitaux, parce que on peut pas les enterrer. Et voilà, c'est des petits trucs qui me font un peu, ça fait un peu mal quand même, que les gens ne respectent pas. Sur le chat, il y en a qui nous demandent comment ça se passe pour les animaux de compagnie. Alors, pour les animaux de compagnie, pour les chiens, bien sûr, parce que les chats font leur vie, comme partout normalement dans le monde, ils ont le droit de sortir faire pipi pour les chiens. Mais ils ne peuvent pas s'éloigner plus de 350 mètres, je crois. Oui. Je crois que c'est 350 ou 500 mètres. Je n'ai pas le chiffre exact parce que j'ai pas de chien. Et ils sont obligés évidemment de nettoyer derrière et asperger avec une solution d'eau de Javel, etc. Puisqu'il y a des bruits qui courent, qu'ils ramènent aussi du bazar dans leurs pattes, donc de la bestiole, comme on dit ici. Donc, de bien se nettoyer avant, de rentrer après, etc. Oui. C'est changer de chaussures quand on rentre, changer les vêtements, etc. Et donc, tous les gens sont confinés, mais quand tu n'étais pas là, comment ça se passait pour tes parents? Ils avaient... Combien de personnes qui venaient? Il y avait quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui me donne un coup de main maintenant, mais on est tous les quatre confinés à la maison, du coup. Alors, vous êtes d'accord avec la personne qui s'occupait d'eux? Oui, d'accord. Parce que il n'y avait plus de transport le jour du confinement, du jour au lendemain, plus de transport en commun, plus rien. Et étant donné que mes parents... était fragile et qu'il y avait énormément de risques qu'il s'est attrapé le virus. La personne qui travaille avec nous ne pouvait pas se permettre de ramener ça chez elle. Donc elle est restée chez nous. Et heureusement pour moi aussi, parce qu'on partage les tâches et puis c'est beaucoup moins que, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je n'ai pas une très très bonne santé non plus. Et que bah, ma maman, elle est très lourde. Elle est devenue très lourde. Je pense que je sais qu'il y a été aide-soignante qui peut savoir un tout petit peu le travail que j'ai à faire. Donc voilà. Même si j'ai un peu de matériel, une petite chaise roulante, un lève-personne, etc. Tout ça, ça reste très, très compliqué quand on n'est pas du métier. Et voilà. Et puis quand on fait ça avec ses parents, c'est, je pense, encore moins facile. Il y a José qui demande au niveau des hôpitaux, c'est comment ils sont équipés? Est-ce que là ils sont saturés déjà ou... Oui, il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont saturés, surtout à Madrid et puis à Barcelone. Ici à Valladolid, ça ne semble pas être saturé, parce qu'il y a des hôpitaux comme en France, hein, à Nantes c'était pas très saturé, etc. Ils avaient prévu des hôpitaux de campagne que l'armée avait monté, sauf qu'il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de matériel, quand j'ai pas de matériel, c'est qu'il n'y a pas de respirateur, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de gel, il n'y a pas de blouse, hein, et surtout, surtout, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas d'aide-soignante, il n'y a pas assez de médecins. Ah oui, donc d'accord. Ici, ils sont rappelés, ici, ils sont déjà rappelés, les médecins retraités pour aider, surtout à Madrid et à Barcelone. Et le personnel aussi, les étudiants en médecine, ils sont en train de travailler. D'accord. On a une question également encore sur le chat. On nous demande, est-ce qu'en Espagne aussi, vous chantez à vos fenêtres ou à vos balcons pour préserver un esprit de solidarité, d'espoir et de fête? Oui, en fait, cela a commencé du premier jour. En fait, il y a eu sur les réseaux sociaux un appel. En fait, c'était surtout les premiers jours pour remercier la santé publique. Hein, puisqu'en Espagne, il y a eu beaucoup de... ils sont beaucoup supprimé des postes, des coupes budgétaires, supprimé des lits, voilà avec les gouvernements précédents, et ils sont en train de travailler d'une façon très précaire, très sommaire, précaire, et c'est une façon de, pour certains d'entre nous, de remercier le public. La santé publique, parce que... Alors, du coup, il y a des gens qui chantent? Pardon? Il y a des gens qui chantent? Vous chantez? Il y a des musiciens? On ne chante pas dans la rue, parce qu'il n'y a pas de musiciens. Il y a une petite fille qui met toujours la même chanson à la fenêtre, avec son téléphone portable, parce qu'on n'est que quatre maisons, pour ainsi dire, à sortir, applaudir. Maintenant, aujourd'hui, pas seulement la santé publique, mais tous les gens qui travaillent, parce qu'on se rend compte, les jours passants, que tout ça, c'est une chaîne, et qu'on a tous besoin de tous, mais surtout des gens qui sont, des camionneurs qui nous amènent la nourriture par la route, enfin, tout, quoi. Les gens qui travaillent, qui ont des magasins, etc. Et je parle surtout pour les gens indépendants, parce que les grandes entreprises, Carrefour, etc., ils vont s'en sortir toujours, mais les petits, ils vont trinquer. Mmh. Et plus que jamais, je trouve qu'il faut consommer local et consommer responsable. Tout à fait, tu as bien raison, Anna. Alors, ce que tu dis, tu vois, on a l'impression que c'est la même chose qu'en France, mais avec un stade au-dessus. Si tu veux, la pandémie a pris plus d'ampleur chez vous, en Espagne. Oui, énormément. Et 849 morts hier, supplémentaires. La France, est-ce que comment en tu France. Penses que... En France, hein. Non, non, en Espagne, 849 morts. Hier. Bah, je pense qu'ici, on est arrivé au pic, en fait. On est arrivé au pic, d'après ce qu'ils pensent, hein, parce que tout ça, c'est évidemment conditionnel. On ne sait pas, on ne sait pas. Personne ne le sait. Les scientifiques, il faut se fier. Moi, en tous les cas, j'y connais rien. Parce qu'il y a énormément de gens qui s'improvisent, virologues, médecins, et tout. On n'en sait rien. Moi, je n'en sais rien. J'ai aucune formation scientifique. Donc, j'essaie de suivre les normes qu'on me dit. Et puis... Et puis essayer de contaminer le moins de gens possible. Tout ce que je peux voir, c'est que par exemple en Italie, il y a pas eu de mort au début en Lombardie et que c'est terrible ce qui se passe là-bas. Donc j'ai pas envie, j'ai aucune envie de voir ça ni en Espagne ni en France et ni partout ailleurs. Bien que ça va arriver, mais Moi, je voulais savoir si m'inquiète tu... énormément. Ouais. Oui. Je voulais savoir si tu as des nouvelles de tes filles, parce que tu en as une à Paris. Non, elle est à Paris, Emma. Lyon. J'en ai une à Paris, donc Paris. Emma, qui est donc orthophoniste, hein, il a fallu qu'elle ferme son cabinet, puisque voilà, elle n'était pas. Elle avait pas de matériel non plus pour continuer. Elle avait même pas de masque, rien. Personne ne les a contactés d'après ce qu'elle m'avait dit. Donc bon, peu importe, elle a fermé. Elle commence à travailler maintenant un peu, je crois, de chez elle. Parce qu'il y a des normes à respecter aussi quand on est profession libérale et en orthophonie, que je ne pourrais pas... Je peux pas parler pour elle. Et puis Adela qui est à Copenhague, donc qui travaille dans l'école, dans l'Institut français de Copenhague, dans l'atelier textile. Et eux, ils ont été arrêtés bien avant nous. Je sais pas, son école a été fermée bien avant celle que les écoles espagnoles. Elle est chez elle avec ses colocatrices. Donc elle est confinée aussi. Voilà. Elle travaille de chez elle, mais elle travaille pour elle, ses dessins, ses textiles, voilà. On les embrasse si elles nous entendent, on leur fait des gros bisous. Et Claudio? Ben, j'espère qu'ils vous entendent, puisque je leur ai passé le petit lien, donc j'espère que... Et Claudio, alors? Que tout le monde vous entend. Et Claudio, ton cher et tendre, pour ceux qui connaissent amour, pas. Mon amour à moi. Et bien, il est tout seul à Nantes, pour des chalâtres. Ah, oui. Et il télétravaille. Ah oui. Donc, il est bien occupé. Et le reste du temps, il fait comme tout le monde, sauf qu'il est tout seul. Donc, il fait énormément de musique. Je pense qu'il y aura une bonne collection quand je vais rentrer, des morceaux. Et quelques bêtises aussi que j'ai vu qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Et voilà, il maintient plutôt le moral. Et puis il fait 20 minutes de marche tous les jours, mais sans sortir, bien évidemment, parce que fragilité oblige aussi. Oui. Il m'a dit qu'il mettait son blouson tous les jours. Et il parcourait la maison, sortait dans le jardin, il remonte les escaliers, il monte, il descend, il ressort dans le jardin, et tout ça pendant 20 minutes pour pouvoir faire de l'exercice. C'est voilà, très bien, c'est un bon exemple. On se parle tous les soirs. C'est un bon exemple. On se parle tous les soirs, oui. Ben, je pense que Claudio, s'il veut, nous envoyer une petite une de ses créations, une chanson... Je crois que les boncons le passeront avec plaisir à la radio. S'il nous entendre, voilà. S'il nous entend, il le fera certainement. Oh, bah, je pense qu'il doit nous entendre. Après. Oui. J'espère bien que ça fonctionne. Et sinon, bah, je lui ferai part de la proposition. Voilà. Sinon, quand on pourra faire une fête de déconfinement, peut-être qu'il nous fera un live. Il nous la jouera ses compositions en direct. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Chacun ses occupations pendant ses confinements. Voilà. Et il faut surtout rester créatif et positif. Et puis tout ira bien, comme on dit. Ben oui. Voilà. Non, mais il faut espérer, puis, hein, tout ça. J'ai hâte de revoir tout le monde. Oui. C'est difficile à dire, mais est-ce que tu avais pensé à ton retour, bien sûr, mais tu l'imagines quand, le retour? C'est très difficile à dire, parce que je ne sais pas du tout, comment les choses vont se passer, quand est-ce que les aéroports seront ouverts, et bien évidemment, moi je ne partirai pas d'ici si je ne sens pas mes parents un minimum en sécurité. Oui. Donc, malheureusement, il y a un ami médecin de mon père qui m'a dit par la fenêtre l'autre jour que si en Chine, c'était le premier jour du confinement hein, qu'il m'a dit ça, si en Chine ça durait trois mois et demi, il ne fallait pas compter moins ici, en Europe. Mmh. Donc, au mois de juin, pour nos anniversaires. Oui, oui, mais... voilà. tu es du 7 juin, toi, c'est ça? Moi, c'est le 11 juin. Le 11 juin. Voilà, toi les 4, moi le 11. Voilà. Et tu connais ton ascendant? Ah bah, mon ascendant, non. Il n'y a personne au-dessus de moi. Voilà. Oh ben oui, mais il faut raconter des bêtises. Eh ben tu sais, nous as demandé une chanson, et alors c'est toi qui vas nous dire le titre et le groupe. Pardon? Tu nous as demandé une chanson. Oui. Alors c'est Résistir, un truc comme ça, ou Résistir, je sais pas. Oui, je voulais que vous passiez cette chanson, parce qu'en fait c'est devenu l'emblème qui fait tenir les gens ici. Cette chanson, elle a été écrite à l'époque des Franco par quelqu'un qui a été emprisonné et qui avait dit qu'il résisterait à tout ça, quoi qu'il advienne. C'est anonyme, on sait que c'est de quelqu'un qui avait été répressé par Franco. Ça a été repris après dans les années 80, les paroles de ce morceau par un duo qui s'appelait le Duo Dynamico. Et il s'était devenu très célèbre et je pense très très riche grâce à ça. Mais il n'y avait pas grand monde qui connaissait l'origine des paroles. Et je trouvais que c'était sympa que vous écoutiez ce que nous on écoute tous les jours et qu'on chante tous les jours pour résister au virus cette fois-ci, parce qu'il y a virus de toutes sortes, hein. Virus, ouais. Hein. Tout à fait. Virus politique, virus de partout, les virus de partout. Donc voilà, il faut résister à tout ça et rester très vigilant parce que tout virus, à lire entre les lignes ce que je vais dire, profite des faiblesses. Et là, on est dans une grande faiblesse dans le monde et il faut faire très attention à tout ce qui peut venir, que n'aime pas. Voilà. Bon. Je voulais te poser une question qui n'a pas de faire plaisir. Comment va Manuel Valls? J'espère que vous allez le garder. Comment va Manuel Valls? J'espère que vous allez le garder et que vous n'allez pas nous le renvoyer. Et j'en ai aucune idée. Il est à Barcelone. Et honnêtement, j'ai plein les Catalans. Oui. Méfiez-vous, parce que s'il voit une opportunité, il est capable de revenir. Ah ben ça, c'est clair. Hein. C'est à ce genre de virus que je me, que je me référais tout à l'heure. C'est pour ça que je t'en parle. Hein? Merci Anna. Voilà, merci beaucoup Anna. Ouais, merci beaucoup. Eh ben, on t'embrasse et puis on est pressé de. Je sais, Hugo. Ouais. Et tout le monde. Et Ophélie. Et tous les bons cons. Et les vieux cons. Et les vieux. Les vieux bons cons. Voilà. Les vieux bons cons. Oui. Les vieux bons cons. Ouais. On va penser. Et on s'embrasse fort. Ouais, nous aussi. À très bientôt, j'espère. À très bientôt. très bientôt. Tout ça, ça va s'arranger vite. Alors, on va passer Registir. Et puis après, on passera, on repassera ce qu'on a passé en début. C'est un tout petit reportage un tout petit reportage sur les très vieux cons que tu n'as pas, tu n'as pas entendu. Ok. Voilà. Merci gros bisous à tous. Gros bisous. Hein. Gros bisous. Ciao. Salut. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resiste.